light of joy I know. Scared beyond belief, way down in the shadows. And the perverted fear of violence chokes the smile on every face. And common sense is ringing out the bell. This ain't no technological breakdown. Oh no, this is the road to hell. Chris Rea pour l'incontournable étranger. Nous en venons aux anniversaires. Radio Weekend, Radio Weekend. Premier anniversaire pour cette période, je redis bien anniversaire de la période, ça n'est pas l'anniversaire d'aujourd'hui. Un exemple, Princesse Erika, elle est née le 5 avril 1964. Princesse Erika avec le titre le plus connu qu'elle nous ait produit. Avec tous les rois. je n'ai pas d'intelligence. Mais pourtant, nuit d'un jour, il recherche ma présence. Il dit que je lui dois respect et obéissance. Mais pour moi, sa conduite n'est qu'une montagne d'incohérence. Je voudrais qu'il me fasse profiter de son expérience. Et non pas qu'il me juge et prononce ma sentence. J'ai besoin d'un douceur quand j'ai des défaillances. Et non pas des critiques ni des reproches en permanence. Princesse Erika, qui l'on souhaite un bon anniversaire. Bon anniversaire aussi à Patrick Hernandez. Il vit en Provence, Patrick Hernandez, 6 avril 1949. Vous avez deviné bien évidemment le titre que nous allons entendre. C'est quand même quelque chose qui lui rapporte, tenez-vous bien, entre 800 et 1500 euros par jour. 800, 1500 euros par jour pour avoir écrit, produit, composé, enregistré Born to be Alive, Hernandez. Born to be alive. You see, we're born. Patrick Hernandez, Born to be Alive. Bon anniversaire aussi à Axel Bauer, 7 avril 1961. Axel Bauer, c'est le titre qui l'a fait connaître, le Cargo, Cargo de nuit même. Axel Bauer, bon anniversaire également à Madame Michèle Thor, 7 avril 1947. Alors nous allons entendre un titre qui fait partie du folklore américain, c'est un titre très folk qui a été adapté en français, Je m'appelle Michèle, mais oui ça vient des États-Unis, ça n'est pas une chanson française. J'ai toujours les cheveux blonds.

T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. Chauffe, chauffe, chauffe. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faux. Pour t'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours, chauffez les gars. Et je te le redis, hey, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flanflans, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du tronc et on a vu du tronc. Jacques Brel, Monsieur Brel, nous aurons l'occasion d'en reparler d'ici la fin de l'année, puisque nous allons célébrer également sa disparition. Enfin, le 11 avril, ce sera le dernier anniversaire pour cette période, c'est l'anniversaire de Nicoletta, 11 avril 1944, avec une petite musique que nous avons redécouvert avec la Starac il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques années déjà, la musique Nicoletta. Qui brûlait ma vie aux quatre coins des nuits, qui marchait sans but au long de l'ennui. Moi qui ne croyais rien qu'à ces petits matins, à l'aube on peut croire aux rêves de gloire. Le rêve existe. Ne cherche pas trop loin ce qui est au creux de ta main. Regarde le soleil briller. Écoute les oiseaux chanter. La musique Nicoletta, c'était le dernier anniversaire de la période. Radio Weekend, Radio Weekend. Les musiques 2018, il n'y a pas que la nostalgie dans la vie, nous le répétons régulièrement. Nouveauté Benabar, Benabar qui avec un nouvel album, avec beaucoup de belles choses. Nouvel album avec un titre qui s'appelle Vigile, qui n'est pas très très gai. Là aussi, la petite vendeuse, c'est pas très gai, mais c'est très bien fait de la part de Benabar. Vendeuse en pause, allume morose sa deuxième cigarette. Sur le trottoir arrière de la rue derrière, les galeries Lafayette. Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet. Une vendeuse en pause, vêtue comme impose le grand magasin. Du côté livraison, réservé camion qui décharge au matin. Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet. Rayon maroquinerie, elle attise l'envie de clients aisés. Vend des jolis sacs à la mode et de marque qu'elle ne peut pas acheter. Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet. Elle joue son rôle et bien, je la regarde de loin, un peu dissimulée. Comme j'ai l'air d'un pervers, le vigile me repère, je préfère m'en aller. Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet. Ma vendeuse à ses babioles coûteuses, à mes souvenirs. Je l'espère heureuse, rien ne s'y oppose, ça s'appelle l'avenir. Adieu ma vendeuse, ne sois pas malheureuse, je te l'interdis. Je voudrais te le dire, mais je dois m'enfuir, le vigile me poursuit. Revenu en cachette, bonnet et lunettes, mais tu n'étais plus là. Côté livraison, côté rayon, pas de trace de toi. Maintenant où es-tu? Je ne le serai plus, salaud de Cupidon. Pour te garder près de moi, je t'ai mise, m'en veux pas, dans cette chanson. Pour te garder près de moi, je t'ai mise, m'en veux pas, dans cette chanson. Benabar, nouvel album. Et puis sur le nouvel album de Cat Son Trees, qui est sorti il y a quelques jours, il y a un titre fantastique. C'est toujours bien quand Cat Son Trees, hein. Keep on Dancing, Cat Son Trees. Believing, believing, for love, for love, oh, the fire, silence, I'm on your end. Silence, I'm a spring prayer. Believing, believing. Cats on Trees pour leur nouvel album. Et puis, nouvel album pour Lio. Alors là, nous sommes loin du Banana Split de sa jeunesse, de retour à la maison, de retour au Portugal et très exactement de retour au Brésil. Avec les Portugais parlent brésilien et les Brésiliens parlent portugais. Eh bien, Lio a été nous chercher quelques vieux classiques portugais. En voici un exemple. Et tu, si morre, tu m'as... Perdiz no mar É doce morrer no mar Nas ondas Perdiz no mar A noite que ele Não veio foi Foi de tristeza pra mim Faveiro Triste noite foi pra mim É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Saveiro partiu de C'était la dernière nouveauté de ce week-end. Les curiosités, petite séquence curiosité de ce week-end, avec des chansons françaises et étrangères les plus courtes. On ne sait pas s'il manquait d'inspiration, toujours est-il que c'est très court. Alors un premier exemple avec les Beatles, c'est la dernière chanson de l'album Abbey Road. Abbey Road, c'est l'album, vous savez, où ils traversent le passage pour piétons, là, ce passage blanc pour piétons. Tous les quatre traversent joyeusement ce passage. C'est la couverture de l'album et à la fin, il y a un petit titre qui dure 23-24 secondes, les Beatles. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah. Someday I'm gonna make her mine. Her Majesty, le très court Beatles. Carla Bruni. Carla Bruni également, peut-être était-elle en panne d'inspiration aussi, elle nous a fait il y a quelque temps une chanson qui durait 1 minute 03 exactement. Et le titre, elle n'a pas été le chercher très loin, La dernière minute. Carla Bruni, c'est très court, profitez-en. Quand j'aurai tout compris, tout vécu d'ici bas, quand je serai si vieille que je ne voudrai plus de moi, quand la peau de ma vie sera creusée de routes et de traces et de peines et de rires et de doutes, alors je demanderai juste encore 1 minute. Il n'y aura plus rien qui chavire et qui blesse. Et quand même les chagrins auront l'air d'une caresse. Quand je verrai ma main juste au pied de mon lit, que je la verrai sourire de ma si petite vie, je lui dirai, écoute, laisse-moi juste 1 minute. Juste encore 1 minute, juste encore 1 minute. Pour me faire une beauté ou pour une cigarette. Juste encore 1 minute, juste encore 1 minute. Pour un dernier frisson, pour un dernier geste. Juste encore 1 minute, juste encore 1 minute. Pour ranger les souvenirs avant le grand hiver. Juste encore 1 minute, sans motif et sans but. Puisque ma vie n'est rien, alors je la veux toute. Entière tout à fait dans toutes ces déroutes. Puisque ma vie n'est rien, alors j'en redemande, je veux qu'on m'en rajoute. 60 petites secondes pour ma dernière minute. Carla Bruni avec une chanson très courte. Très courte aussi, le troisième titre de ce rendez-vous, Renaud. Renaud, écoutez bien, c'est assez original. Le tango des élus. Et cela dure 42 secondes, ne ratez rien. 1, 2, 3. Le tango des élus, paroles de Renaud Séchant, musique de Renaud Séchant, interprétée de Renaud Séchant et tous ses musiciens, chansons courtes mais suffisantes. Et dire que chaque fois que nous votions pour eux, nous faisions taire en nous ce cri, ni Dieu ni maître, dont ils rient aujourd'hui, puisqu'ils se sont fait Dieu, et qu'une fois de plus, nous nous sommes fait maître. Et puis c'est tout. Moi je le fais mieux. Et alors du con. Ah bon. Renaud, Carla Bruni, les Beatles, trois titres très courts dans l'histoire discographique mondiale. Radio Weekend, Radio Weekend. Ce qui vient, nous aurions pu l'appeler des titres de Claude François, c'est la même chanson, vous savez, et c'est exactement la même chanson. Alors, il y a des dizaines, voire des centaines de versions, oui, des centaines de versions d'un grand classique américain qui a pour titre Summertime. Summertime, ça a été chanté par tout le monde, notamment par Norah Jones. On se le remet dans l'oreille, la musique, disons, originale de Summertime. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. One of these mornings, you're gonna rise up singing. So hush, little baby, don't you. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you will spread your wings and you'll take to the sky. But until that morning, there is nothing can harm you. So hush, little baby, don't you. Summertime, Norah Jones, juste une petite minute pour l'avoir dans l'oreille. Écoutez bien, alors là nous allons écouter l'intégralité, écoutez bien ce qu'en a fait un autre Américain qui s'appelle Billy Stewart. Billy Stewart a refait Summertime, ça n'a rien à voir avec les versions originales. Right now, and the cotton is high. Like a your daddy is a rich, got a rich daddy, and your mommy's good looking, yeah. So hush, little baby, don't you cry. One of these it's coming. You're gonna rise up singing. Your little wings, and I take you the sky. There's nothing gonna harm you. With a mommy and a daddy standing by. Shut up, what are you? Baby, don't. a tear fall from your eye. Summertime, le Summertime vu par Billy Stewart, chanteur américain. La musique de pub. La pub de week-end, c'est la pub pour Nivea. On voit ça sur tous les écrans en ce moment avec la musique qui l'accompagne. Alors, ça n'est pas la musique du clip de la pub que nous allons entendre, c'est la musique originale. Parce que sur la pub de Nivea, il y a un titre que l'on connaît par Dalida, Laissez-moi danser. Je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire, j'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser Dalida, c'était la musique de pub de la semaine, même si dans la pub pour Nivea, ça n'est pas elle qui chante. Juste pour le plaisir, quelque chose qui fonctionne bien, Slimane. Slimane, c'est l'un des grands titres du moment. Viens, on s'aime et on l'aime bien. Ils pourront tous nous enlever. L'autre à contre-sens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour coupable de quoi. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Allez, viens, on s'aime. On s'en fout de leur mot, de la bienséance. Viens, on s'aime. On s'en fout de leurs idées, de ce qu'ils pensent. Viens, on s'aime. Attention dans une autre vie. l'histoire n'est pas belle. Priez pour qu'on abandonne, qu'il y ait une nouvelle donne. Ils pourront bien nous avoir, le temps d'un doute, le temps d'un soir. Mais après la peine et les cris, sèche les larmes qui font la pluie. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Allez, viens, on s'aime. Nous allons terminer ce Radio Weekend avec un mélange de classique et de cinéma. L'une des musiques de Star Wars, John Williams, compositeur, chef d'orchestre américain, qui réutilise une technique qui peut être associée d'ailleurs aux célèbres opéras de Richard Wagner. Vous voyez qu'on mélange le classique et le cinéma. Bon week-end à toutes et à tous. Merci à FM et à son équipe qui réalise ce rendez-vous, la musique de Star Wars. Radio Weekend. Radio Weekend.